Bonsoir à tous et bienvenue à ce podcast de période de Noël, ce podcast bêtisier. Donc oui, pour 2009, il n'y a eu que deux podcasts d'enregistrés, donc ça fait pas beaucoup de conneries, on va dire, de raconter. Mais on a décidé quand même de marquer le coup avec celui-ci et puis vous faire profiter de nos moments de délire, en fait, tout ce qui a été coupé et que vous n'avez pas entendu. Et certains passages que vous avez entendus, mais qui ont été légèrement modifiés pour une meilleure écoute, on va dire. Donc avec moi ce soir pour animer ce podcast bêtisier, j'ai Antodev. Salut tout le monde. Quand même, quand tu dis qu'on a fait que deux podcasts et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, hein, je suis pas trop d'accord quand même. Hein. Il y a eu effectivement beaucoup de moments de délire, hein, qu'on n'a pas pu diffuser parce que des fois on était quand même hors sujet, c'est vrai. Ah bah quand j'imagine 2010, hein, le bêtisier risque de faire 3 ou 4 heures, hein, à ce rythme. On n'est pas encore en 2010, pourquoi pas, j'espère en tout cas que les podcasts vont continuer l'année prochaine sur la même lignée. En tout cas, on a des bons retours de la part de nos auditeurs, donc merci à vous de nous écouter. Et on essaye, nous, de notre côté, de faire de mieux en mieux à chaque fois. On prend en compte toutes vos remarques. Mais merci beaucoup tout le monde quand même. Voilà. Et pour vous donner une idée approximative, le premier podcast a été écouté ou téléchargé 134 fois, ce qui est quand même assez sympathique pour quelque chose qui n'a aucune publicité, aucune communication. Et surtout vu la taille de la communauté quand même. Voilà, tout à fait. Alors oui, il y en a qui me rabâchent, mais je l'écoute plusieurs fois, donc ça triche, c'est pas faux. Mais bon, c'est assez sympathique. Et pour le deuxième podcast, il y a eu en une semaine une centaine de téléchargements d'effectifs. Téléchargements ou les écoutes aussi en streaming? Ben, je sais pas trop comment ça se passe encore sur le site. J'essaye de faire des tests pour voir ça. Je sais pas si une lecture complète compte comme un téléchargement ou si seuls les téléchargements comptent comme tel. Donc pour l'instant, je vais dire une centaine d'écoutes ou de téléchargements. D'accord. On peut grosso modo dire 70 personnes qui l'ont entendu à peu près. Oh non, on va dire plus, hein. Il y a plus de monde, hein, pas vrai tout le monde. T'es très optimiste. Ah, toujours, hein. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est encore que chaque auditeur puisse poster un commentaire sur les archives de podcast sur le forum de Skynet. Même si le commentaire est vide ou n'a aucun contenu, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, ça nous donne une idée, un aperçu du nombre de personnes qui nous écoutent, plus réel que les chiffres de téléchargement. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou ou un merci ou même une critique négative si vraiment c'est dans votre nature ou dans votre besoin de le faire. Mais mettez si c'est nul, hein, aussi, si hein. C'est nul, on ne sera pas forcément bon à chaque fois. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ces fameux topics. Donc ce soir, c'est le bêtisier des deux premiers podcasts. Surtout du premier, en fait. J'avoue qu'il y a beaucoup plus de passages du premier. Ah, pourtant, il me semblait que c'était quand même pas mal le deuxième aussi, hein. Ben ouais, mais j'ai pas tout enregistré. Il manque quelques passages, je pense. Et... alors c'est peut-être mon erreur, ou les passages sont moins importants que le premier, je voulais pas non plus trop en mettre, voilà. Oh, du moment que ça reste drôle, hein. Exactement, faut pas non plus mettre quelque chose juste pour dire on a mis quelque chose, hein. Il faut que ça reste un minimum drôle. Donc je vous propose de commencer avec ces deux premiers morceaux, le premier qui fait partie de l'épisode 1, qui est l'intro en fait, une reprise d'intro, parce que c'est pas toujours facile de commencer un podcast et de réussir l'intro du premier coup. Donc on est quelquefois obligé de se reprendre. Et il sera suivi d'une deuxième partie qui est par contre là une intro de l'épisode 2. Donc ça voilà, on va écouter deux intros refaites en fait. Bon, et eh bien bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Bonsoir. Bonsoir. Non, ok. Ah, pardon, la refaire. Non, mais un peu plus d'entrain quand même quand on dit bonsoir. Normalement, on arrive, on est en train, voilà quoi. Et on est content d'être là. Ah bon? Je m'en doutais, ça. Bon, allez, on recommence. Bon, et eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Bon, bah voilà. Bêtisier. Bon. Très bien. Voilà, bon, on peut passer au débat. Je vais la refaire celle-ci. Je ça. Pardon. Comment J'ai une grosse absence. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, c'est pas toujours évident de réussir du premier coup. On reprend beaucoup beaucoup de fois. On va pas tous vous les repasser non plus parce que ça perdrait de son importance après. Surtout qu'on le fait toutes les demi-heures à chaque fois. On arrive à faire des grandes grandes pauses quelquefois d'une demi-heure où on se lâche complètement pour essayer de démarrer quoi. Exactement, c'est pas facile hein, faire un podcast, il faut pas le croire. Mais bon, c'est des bons moments qu'on passe entre nous. Donc oui, effectivement, parmi les bons moments, il y a aussi les mauvais moments. À savoir, ben, quand on fait une vanne et que ben, elle est pas réussie, on se tape un gros bide. Et Antonev ne me contredira pas, j'excelle dans ce domaine. Oh, il n'y a pas que toi. Ouais, pas moi. On a du dossier. On a du dossier sur chacun. Vous l'écouterez tout au long de ce bêtisier. Et je vous propose, alors vous avez entendu une partie en fait de ce passage dans le premier podcast, ça concerne le FAQ d'Hermann et l'histoire des ampoules cassées. Voilà, changer une ampoule par un Octavien. Des fois on parle, des fois on nous entend pas, je vous laisse découvrir. La question suivante du FAQ était un peu une question bête, on va dire. Non, c'est pas bête du tout. Non, je suis désolé. C'est une question très importante. Vas-y, alors pose la question. Combien d'octaviens faut-il pour changer une ampoule quand même ? Attendez, c'est pas n'importe quoi la question. Hein. Alors, là c'est marrant, mais on t'entend. Je trouve ça important. D'accord, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il faudrait poser la question en fait à notre ami Brugnard. Hein. C'est lui l'Octavien dans le coin. À la ville, ils les cassent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tout simplement. Herman disait que nous a demandé s'ils les avaient pas déjà toutes cassées. Oui. Mais d'ailleurs, on entend plus de bruit. À mon avis, il doit avoir coupé le micro. Là. Ah ouais, lol. Ouais, je parle depuis 10 minutes là, comme ça. Quand j'ai coupé le micro et c'est pour ça qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essayais d'intervenir, mais personne ne m'écoutait. Je me sentais seul. C'est juste qu'on n'avait pas envie de te parler. Ben j'ai fait. J'ai fait si trois fois la même panne. Donc, je vais faire une quatrième. Vas-y. Alors. Non, c'est la première fois hein, que tu l'as fait, là. Du coup, c'est la première fois que je l'ai fait. Sur cette histoire d'ampoule, premier élément qui joue, ça dépend de la taille de l'ampoule. Hein, il faut savoir, parce que toutes les ampoules ne font pas la même taille. Et deuxième élément très très important, ça dépend de la taille des octaviens. Parce que c'est pareil, tous les octaviens ne font pas la même taille. Ensuite, il faut compter le nombre d'octaviens qui viennent soutenir leurs camarades. Et ceux qui abreuvent leurs camarades. Voilà. Ils savent le faire. Donc, finalement, c'est un calcul. Il n'y a pas de vrai... C'est pas une blague avec les nains, ça, à la base. Normalement, c'est une référence. Combien faut-il de nains pour creuser un tunnel de granit de 2 mètres, de 28 mètres, pardon. De 28 mètres, oui. En 2 jours. Ouais. Tout à fait. Non, mais bon, j'ai essayé de faire une petite... Petite blague carrément. Bon, question suivante. Sur ça, bonne soirée. Oui. Donc alors, non, effectivement, je suis allé loin sur ma vanne, mais j'étais frustré parce que je parlais dans le vide, j'avais coupé mon micro à ce moment-là, quand Diedi a dit que la question était plus pour Brugnard, j'avais commencé à répondre, mais je m'étais pas rendu compte que mon micro était coupé et du coup j'étais vachement frustré de parler dans le vide quoi. C'est pour ça qu'après j'ai perdu tous mes moyens, je reconnais. Et maintenant tu parles de toi à la troisième personne. Non, c'est pas vrai, faut pas croire ça. Ensuite, donc comme vous avez pu le voir aussi au début du passage que vous avez écouté, Mathias fait une réflexion à Diedi dans le sens et Jaco en même temps, maintenant on t'entend. Alors, on comprend pas forcément pourquoi Diedi se prend ça dans les dents. Et justement, on va vous passer la vérité, le vrai du vrai, hein, concernant Diedi et ce fameux « maintenant, il parle ». Donc en gros, notre cher ami Diedi, vous l'avez entendu peut-être 5 minutes sur la première question FAQ d'Hermann, mais ça a pris beaucoup plus de temps que ça. L'enregistrement était beaucoup plus long parce qu'il a fallu... Bah, c'est comme un diesel, il a fallu qu'il se chauffe en fait. Donc écoutons ce premier passage. Justement, en parlant des stations, on va en venir au FAQ. Oui. Donc, Diedi, le FAQ du 14. Bah, je vois qu'il est 20h, 21h30, l'heure à laquelle on avait dit qu'on finissait, donc bah, je vais vous laisser. Non, on se défile pas. Là, j'ai piscine. Et zut. Ah, ici où je t'attache, c'est simple. Hein. Baillonnez-le. Et puis on te boycotte ta réputation après. Donc, Diedi. Allô? Il n'est plus là. Ah, oh, mais... Exécution. Je vais sortir le fouet, attention. Les auditeurs ne peuvent pas voir les émoticônes, c'est un podcast audio. C'est dommage. Ah mince. Oui. Bah tant pis. Hein. Brunière, attrape Diedi. Fais un screen. On mettra ça sur le forum, ouais. Ouais, obligé. Donc, Diedi. Tu vas pas y aller, mais de toute façon. Donc il fait... Non, hein. Bah oui, hein, j'ai pas le choix, je crois. T'as pas le choix. Voilà. Sniff. Oui, non, mais du coup, j'attends la suite. En fait. Et on t'attend. Présente la FAQ 14. Ah, c'est à moi de parler. Oui, tout à fait. Voilà. Non, on avait pas dit. C'est écrit sur le document. Je parle. Quel document? J'ai juste pas vu de document. Donc, Diedi, vas-y, présente-nous la FAQ du 14 septembre. Bon, la FAQ. Alors, déjà, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein, quand on dit la FAQ, c'est les questions-réponses à Hermann. Les questions-réponses qui ont lieu depuis quelques mois maintenant, hein, depuis juillet, je crois, de cette année. Qui ont lieu toutes les semaines, qui malheureusement sont réduites à tous les mois. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'ils travaillent, hein, les pauvres. C'est sûr. Que dire d'autre? Edith. T'as remarqué que dans Didi, c'est une partie de Edith. Pardon. Oh là. Ça se fait un Mathias. Désolé. La vanne à Mathias est particulièrement sympathique aussi. Il faut savoir qu'il arrête pas. Autant moi, je me tape beaucoup de bides, autant Mathias enchaîne les petites vannes et les jeux de mots. Pourquoi à la fin du podcast, vous aurez un dossier sur Dédi et un dossier sur Mathias. Voilà, gardez-les, bien précieusement. Ça peut nous servir. Exactement. Alors attention, on incite à rien du tout. On fait que donner des pistes. On dit seulement ce qui pourrait se passer dans le livre. Voilà, Robid. Hypothétique cas. Tu peux le faire, vas-y, on t'écoute. Hypothétique cas, voilà, c'est fait. D'accord. Cas la lettre ou cas CAS? Hypothétique cas, CAS. CAS, d'accord. Mais c'est pas le cas comme Kevin. Deuxième bide. Oui, non, mais... On est sur le bêtisier en même temps, faut en profiter. C'est vrai. Il faut dire aux auditeurs qu'ils ont peut-être l'audio, mais il faudrait qu'ils escapent un jour. Oui, alors j'allais y venir justement, parce que c'est vrai que notre ami Diedi, pendant ces moments de silence quand on lui parlait, nous communiquait avec nous via Skype, parce qu'on nous enregistre dessus, mais en chat et non en audio. Et du coup, ça nous faisait rire parce qu'il nous faisait tout plein d'émoticônes qui pleurent, qui font du silence, des choses, mais vraiment très drôles quand on est sur le moment. Donc voilà, c'est vrai que si on n'a pas ça, ça paraît bizarre. Mais il s'est pas arrêté là quand même. Alors Diedi, c'est ton moment. Je suis désolé, on s'acharne. C'est ton moment. Il y a un deuxième passage. Alors là, il est largué à ce moment du podcast, fatigué et il comprend pas ce qu'on attend de lui. Par contre, il lutte formidablement bien et il arrive à se rattraper sur la fin quand même. Quoi. C'est un bon. Voilà, on écoute ça. D'accord. Bah, vas-y, Diedi. On sent que tu veux te lancer là. Fais la deuxième question. Vas-y. La quoi? La deuxième question. La deuxième question. Okay, qu'est-ce que c'est? Tu sais lire? À propos des stations de recyclage, seront-elles limitées à l'espace non réglementé? Alors, c'est une grande question. Deuxième édition. Je sais pas si je le laisse ou je le coupe, ça, finalement, parce que est-ce qu'il était sérieux ou pas, hein? Pourquoi? Je lis pas assez vite. Non, c'est pas où tu vas en venir, surtout. Ah ben bah, moi je lis, hein. On m'a dit tu lis la question, alors je lis la question. Non mais c'est surtout parce qu'on veut faire un débat en fait. La question, tout le monde l'a lu avant, c'est plus les joueurs, enfin nous, les nous cinq, qui allons commenter la question et qui disent plutôt un petit peu de la réponse, voilà, en fait. C'est surtout ça. Ah bon. D'accord. Bon là on va définitivement donc, éditer. Vas-y, commentons alors. Et voilà, là c'est l'exemple parfait du moteur diesel de Jedi. Alors faut pas lui en vouloir, la fatigue est présente. Mais on t'aime, tu sais bien. Et puis tu seras. Tu es le bienvenu parmi nous quand tu veux dans les podcasts, hein, Jedi, y a pas de souci. Bon, vas-y, le sire, tu as de la place. Ça c'est méchant. Je suis le premier, hein. Patient, s'il te plaît. Oui, c'est pas faux. Merci. Alors, maintenant, on va quand même arrêter de s'acharner sur notre ami émissaire Diedi. Et puis, on va passer sur un moment, un grand moment de solitude de Mathias. Comme vous ne l'avez jamais vu. Oui. Alors là, c'était avant l'enregistrement. On discute entre nous, on se prépare pour le podcast. Mais Mathias a pété un câble, il s'est mis à faire un coup. Et à ce moment-là, j'ai pris l'initiative de mettre à enregistrer, mais j'ai pas tout le début, on a que la fin. Mais Mathias faisant la poule, c'est un moment qu'on pouvait pas ne pas mettre dans le podcast. Écoutez, voilà, vous le pensiez tous sérieux, et bah voilà, la figure va tomber. Exactement. Désolé Mathias. Écoutez donc. Qui c'est qui fait la poule? Ah putain. Encore? Ah oh, t'as juste la fin. Oh c'est dommage. Ouais malheureusement ouais. Je regrette que de pas avoir enregistré parce que il l'a fait pendant plus longtemps que ça. Et on lui a demandé à son insu de recommencer, mais là il savait pas par contre que j'allais enregistrer, mais c'est dommage qu'on ait pas l'intégrale de ce passage. Parce que le début est mythique quand même. Ouais, mais ça reste un dossier. On peut pas le nier quoi. Donc, si vous avez des idées à lui suggérer ou autre, hein. Pour les prochains podcasts, oui, effectivement, pourquoi pas faire la vache, le chat. On verra, on lui suggérera tout ça. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on arrive au AUX, au grand moment de ce bêtisier, avec les 4 meilleurs moments du premier podcast dont vous n'avez pas eu connaissance encore. J'ai intitulé ces moments les tarés. Les tarés, pourquoi ? Ça nous correspond. Ben, tout à fait, ouais. On comprend pas forcément tout ce qui se passe. C'est surtout ça. Quand on est auditeur, on comprend pas forcément tout ce qui se passe, donc on va essayer d'expliquer au mieux chaque passage. Bah même quand on est dedans, on sait pas forcément ce qui se passe, hein. Ouais, c'est pas faux non plus, effectivement. Mais on prend plaisir quand même à participer à ces fous rires. Donc il y a 4 épisodes des tarés. Donc c'est leur intitulé. Et je vais vous présenter donc le premier. Enfin, le présenter. Je sais pas ce qu'on peut dire dessus, à part qu'on n'est pas forcément tous très sains dans notre tête. Hein. C'est le mieux qu'on puisse dire. Pour le premier, en tout cas, c'est ça qui va correspondre le mieux, quoi. Il y a des gens, ben, ils ont des problèmes. Et voilà, je vous laisse découvrir ce passage. On n'entend plus Jaco? Si, je suis là. Si, je fais comme ça. C'est moi qui dois avoir le son trop fort, alors. Est-ce que je vous entends tous plus fort qu'hier? Ouais. C'est bizarre. C'est moi qui ai un problème dans ma tête. Ça c'est pas la première fois. Pourtant, moi, je t'entends pas. Ok, soit je t'ai fiché. Que vous m'entendez, moi je parle très fort et pourtant vous m'entendez les gars. Qui que parle là c'est... T'as un grain toi aussi, et ça ne réussit pas de faire des heures. Alors oui, c'était des réglages micro comme vous l'aurez compris, et derrière le réglage du micro, ben, Mathias s'est encore foutu de notre gueule. Voilà. Donc c'était lui, c'était encore une fois Mathias qui parlait tout bas pour nous embêter. Une fois, hein, c'est encore, hein, s'il n'y avait qu'une seule fois. Ah mais il n'arrête pas, il n'arrête pas. Je laisse beaucoup de moments, de toute façon, dans les podcasts qu'on vous diffuse. Faut bien les repérer. Il y a souvent des jeux de mots, hein, Mathias. Ils sont quand même mythiques. Mais je les laisse diffuser, ceux-là, donc je les remets pas ce soir dans le podcast. Donc, pour la suite, des tarés 2, donc l'épisode 2, là, on peut intituler ça « Des blancs inexpliqués et des fourrures importants ». Les soucis techniques, c'est pas forcément les seuls problèmes qu'on peut rencontrer quand on enregistre. La possession, la folie, il y a de quoi faire. Hein. Exactement. Comprenez plutôt. Allez, ben voilà, moi je suis prêt personnellement. Moi je suis prêt aussi. C'est parti là ? Bon ben je vais boire un peu de flotte. Parce que si j'ai prévu la bouteille d'eau, c'est dommage qu'on le refasse pendant entier, parce que là j'avais des provisions. Faut mieux que c'est parti, hein, moi je suis parti. Ah non, mais s'il y a un plan de 10 minutes, ouais. Bon, allez. Allez, go. Oula. Non, bruit, rigole pas. Ça se fait comme ça. Oh putain, le bruit, on souffle avec ce putain. Alors oui, c'est mon rire que vous entendez. L'espèce de phoque qui rigole derrière, c'est bien moi, j'assume. Hein. Je suis grillé, là, je peux pas le nier. T'as qu'à désespérer. Non, désespérer peut-être pas. Si. Bon, bah, je te remercie alors. non, mais j'ai un rire tout à fait normal dans les situations, on va dire, normales. Mais quand ça part vraiment, vraiment très haut dans la connerie, j'ai ce rire qui prend le dessus. Et dans la vraie vie, on le compare facilement à un rire de phoque, en fait. Pourquoi ? Allez savoir. Hein. Mais ça arrive très souvent lors des podcasts, hein, ce genre de rire. Effectivement. Mais il y en a un gros. Dans le niveau. L'épisode 3 des tarés, mais qu'on diffusera à la fin, en est rempli. Et l'épisode 4 qu'on va écouter dans un instant... je pense qu'il y a aussi matière à rire. Bah justement, alors, l'épisode 4, pas d'intitulé spécifique en fait, je pense qu'il faut le laisser découvrir. Une vanne foireuse, ouais, comme toujours. Ça fait la différence. Ouais, c'est comme toujours, ouais. Mais ça fait la différence. Vous voyez donc. C'est bon, je suis prêt. Donc ouais, t'es prêt ? Oui. Ok. Attends. Je vais me moucher. Je suis désolé. J'en ai un peu plein le nez, là. Moi, je commence à en avoir plein les couilles. Je suis désolé. Il fallait que je la sorte. Et c'est ça, tout quoi. Oui, vous voyez, ça me fait encore rire de réécouter ce... Comme quoi, quand on est con... On reste con, hein. Exactement. J'adore, moi, ces moments qu'on passe entre nous. Totalement débiles et immatures, mais... On en tu l'as bien sorti quand même, hein. Pardon ? Tu l'avais bien sorti quand même, celle-là. Bah, elle était au bon moment, et il y a eu une perche phénoménale, quoi. On peut pas le nier, effectivement. Mais je me suis senti seul à rire, par contre. Ah ben non, mais on était tous pétés, hein. Le dernier, je pense, de toute façon, ne laissera pas impassible toute la communauté qui nous écoute. C'est le meilleur moment qu'on a passé dans les podcasts, je pense. C'est le plus long moment qu'on va diffuser ce soir. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Antodev ? Bon, à mon avis, c'est quelque chose qui est à vivre. Qui est à vivre ? Ouais. Oui. Et que comme ça qu'on peut sentir l'essence de ce moment. Voilà. De toute façon, ça se fait pas. On peut pas le créer, ce moment. Ça vient comme ça vient, et une fois qu'on est dedans, c'est pas la peine d'essayer de s'en sortir, de toute façon. On est fini. Exactement. Donc, savourez bien, ça sera le dernier passage de bêtisier de l'année 2009. Pour ça, ce soir, je sais pas si ceux qu'on vous avait pardon. Vous voyez, comme quoi, c'est pas forcément facile. Donc ce soir, je sais pas du tout si ce que vous écoutez vous aura plu, parce qu'effectivement, c'est pas des discussions comme on a habituellement, c'est vraiment du pré-mâché, on va dire, de l'enregistré. Mais bon, on espère que ça vous fera plaisir quand même. C'est pour Noël, on est là pour s'amuser. Et je vous le dis de suite, il y aura une petite surprise aussi à la fin de ce podcast qui vous laissera, je pense, sans voix. Mais vous la découvrirez seulement tout à l'heure. En tout cas, c'est nous au naturel. Exactement. Donc, n'ayez pas peur. Surtout les filles, mais je sais qu'il n'y a pas de filles qui nous écoutent. Non, j'ai eu des retours. Ouais, ouais, pourquoi pas les compagnes de nos auditeurs, peut-être. Mais j'ai eu des retours oraux, sur nos podcasts. C'est vrai que les gens apprécient notre humour, notre ambiance qui n'est pas forcément très sérieuse. On n'est pas froid, on discute bien. Et puis, les gens ont remarqué que ça se remarquait qu'on se connaissait aussi, ceux qui étaient déjà présents au podcast, ce qui met une meilleure ambiance tout de suite, quoi. Donc bon. En même temps qu'on raconte, qu'on n'arrête pas de dire des bêtises à longueur de journée, hein, que ce soit sur MSN ou sur Skype. C'est la même chose. C'est vrai, c'est pareil. Mais en audio. C'est ce que j'adore. Donc voilà, on va vous faire écouter ce dernier morceau qui est fabuleux. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ok, donc ça, je le mettrai dans les bides. Hop là, merci. Ah, nickel. Je fais le coupage entre les deux, et je ferai ma vanne et je mettrai vos rigolades après. Ce sera une. Et puis je couperai ce que je viens de dire. Je suis 12. Par contre, les gars, il va falloir que je parte à 21h, donc je ne peux pas rester non plus trop longtemps. Ah, c'est pour ça que tu veux pas refaire tout le truc en entier. Non, c'était juste aussi parce que. Non, mais je serais resté s'il fallait rester, mais. Bon, allez, pas, si ça. On s'est mis d'accord, c'est tout coupé, c'est bon, quoi. Ça y est, il a le tricardie fond. Oh non, on va avoir un clic chaud avec des. Avec non, des... pas de fou. Je vous demande de vous arrêter. Ça y est, c'est Jaco. Il va nous faire plein la bande sonore, ça, j'imagine. Non. Non, non, non, non. Allez, s'il vous plaît, on a 14, 16 minutes. Il a failli nous tuer. Ça va bien courir, ça. T'es vraiment phénoménal. Ah là là. Je vais reprendre un petit peu d'eau quand même, parce que là. Ouais. J'ai cru que j'allais mourir. Ah bah ça, j'ai bien cru, hein. Ah, ça fait du bien. Ah, merci. Enfin, voilà, c'est... On peut pas nier, hein, c'est le meilleur moment qu'on ait passé, je pense. Vous serez tous d'accord avec nous. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les petits bruits qu'utilisait Thierry Ardisson dans son émission Tout le monde en parle, si je dis pas de bêtises, sur France 2. Tout le monde en rigole, plus. Là. Là, c'est Tout le monde en rigole, oui. Et donc, bah, ça met de l'ambiance, hein, tout de suite. Ça n'a pas été ajouté après coup, hein. C'était vraiment pendant notre enregistrement. Pourquoi on est vraiment pas net. Non, mais c'est ça qui est bon. Ah bah ça, je dis pas le contraire. Hein. Donc, en tout cas, c'est un vrai plaisir de faire ces podcasts. Encore une fois, on n'oblige personne à les écouter. Si vous nous écoutez et que vous appréciez, bah, c'est vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, bah, si vous appréciez pas forcément, là, on peut rien faire, quoi, pour vous. Faut pas nous écouter, quoi. C'est le seul conseil qu'on puisse donner. Ou pour votre santé mentale, hein. À vous de choisir. Exactement. Mais je pense que vous êtes assez tous adultes et comment dire... Timbré, voilà, c'est le terme. Pour accepter cet humour décalé et nos petites vannes qu'on arrive à placer de temps à autre. Qu'on y arrive, hein. Ouais. J'ai commencé, de toute façon, l'épisode 3, la détarée qu'on vient d'écouter, a commencé par un gros bide que, une fois de plus, j'ai fait. Heureusement que je les ai pas tous diffusés. Et c'est quand mon tour pour les bides? Eh bien, t'inquiète pas, on te réserve des surprises pour les prochains podcasts. Je commence à avoir peur. Non, il faut pas. Il ne faut pas, c'est pas nécessaire. Donc pour les prochains podcasts, je vais vous donner rendez-vous en 2010 finalement. On n'a pas encore fixé de date ni de contenu, et pour cause, hein, comme vous le savez, Netdeville et Codemaster nous ont pas lâché plus d'infos que ça ce mois-ci. Malgré les tortures qu'on a pu essayer de faire à Mathias. Beaucoup de gens ont été déçus de ne pas avoir cette fameuse bêta en décembre, comme elle avait été éventuellement annoncée par Scott et Herman. Voilà, donc la bêta et le jeu en 2010, ça c'est une valeur sûre. 2010, ouais. Ça correspond à 12 mois. Il faut prendre son mal en patience. Écoutez-nous sur les podcasts, participez à Skynet, participez laissez à vos retours. Pardon ? Laissez vos retours hein, sur les podcasts. Laissez vos retours sur les podcasts. Même celui-là. Hein. Ouais, si, ça peut être sympa aussi, effectivement. Bah, mais... pour nous dire qu'on a un humour de merde, hein, je sais pas, hein, faut voir. Avec Noël, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde d'un coup qui va pouvoir nous entendre, mais bon, on verra bien. Et comme je vous l'avais promis, pour terminer ce fameux podcast, une surprise. Alors la surprise, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je vais demander à toutes les personnes de moins de 18 ans d'aller se coucher, déjà, de ne pas écouter. Alors c'est pas du Crazy Horse qu'on va diffuser, hein. On est le soir de Noël, mais c'est pas du Crazy Horse. Du Michael Jackson ? C'est pas du Michael Jackson non plus, mais c'est une chanson, on est d'accord. Donc, à la fin de ce podcast, nous allons vous faire écouter un chant de Noël octavien. Attention. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise totale. C'est de l'humour décalé. Voilà, pour que vous puissiez apprécier la chose, il faut pas en dire plus, sinon après ça va être... ça va vous gâcher votre plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Antonev ? Bah, joyeux Noël et bonne année. Effectivement. Je suis bête. Donc effectivement, on vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année de la part de Skynet. Et puis de notre part à nous aussi. Ouais. Amusez-vous bien, faites pas trop d'abus. Et on vous laisse sur cette fameuse chanson. Bonne soirée, Antonev, et à bientôt. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tout le monde. A plus tard tout le monde, bisous. Salut. Salut. L'espace, le vaste espace, les cantards sont morts ce soir. Il est notre tranquille s'endorme, les cantards sont morts ce soir. Les soleils de l'or de l'arrimage ont peur et se cachent dans le noir. Plus de rage, plus de carnage, c'est à nous la victoire. L'indomptable, le redoutable Brugnard a tué ce soir. Sous mes ailes belle, sol reine, quitte mon territoire. Dans l'espace. espace, le vaste espace, l'ennemi est mort ce soir. Et nous autres puissants Octaviens, on va dormir ce soir.